bien débuter cette année, nous allons comme à peu près une fois par mois consacrer cette première émission de 2021 à l'éthologie, aux animaux. Et en règle générale, quels que soient les animaux que l'on ausculte dans cette émission, des requins aux araignées, en passant par l'ornithorynque ou les corvidés, ce sont des animaux auxquels on finit par s'attacher malgré les a priori que l'on peut avoir. Et bien aujourd'hui, on prend le parti inverse, nous allons parler d'animaux que l'on n'aime pas et que l'on n'aimera pas, et pour cause, ce sont des envahisseurs. C'est l'une des principales raisons de destruction de la biodiversité et une conséquence du monde de libre-échange qui est le nôtre. Le 21e siècle est celui du triomphe des espèces invasives. Faune invasive, pousse-toi de là que je m'y mette, c'est le programme envahissant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans cette première méthode scientifique de 2021. Et avant toute chose, pour ne pas déroger à la règle, je tenais avec toute l'indispensable équipe de la méthode scientifique qui m'accompagne depuis 5 ans maintenant à vous souhaiter une excellente année 2021, une année pleine de découvertes, de sciences, d'émerveillement, d'apprentissage et de vaccins bien sûr, pour vous et pour vos proches, en vous remerciant une fois de plus d'être chaque jour, chaque mois de plus en plus nombreux à nous suivre en direct ou en différé via votre poste de radio, le site de France Culture, franceculture.fr ou l'application Radio France. Donc voilà, très bonne année 2021 à toutes et à tous. L'année dernière, on le sait, a pu être un peu rude. Celle-ci ne sera peut-être pas tendre non plus, mais tout ira mieux si nous restons éveillés, curieux, attentifs et solidaires. Voilà, une excellente année 2021 également à mes deux premiers invités de l'année. Jean-Loup Justine, bonjour. Bonjour. Bonjour et bonne année donc. Vous êtes zoologiste. Et bonjour et bonne année. Merci à vous. Vous êtes zoologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et directeur adjoint de l'Institut Systématique Évolution et Biodiversité. Et bonjour et bonne année à Elsa Bonneau. Bonjour, très bonne année. Merci, vous êtes maître de conférences en écologie à l'université Paris-Sud. Vous travaillez notamment sur l'impact des invasions écologiques dans les écosystèmes insulaires. Mais pour commencer, alors je préfère vous prévenir d'emblée, ce n'est pas Natacha Triou qui s'est méchamment enrouée la voix pendant les fêtes, c'est Antoine Beauchamp. Bonne année Antoine. Bonne année Nicolas, bonne année et à tous. Et c'est vous qui présentez toute cette semaine le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal, en Afrique du Sud, les grottes du Rising Star, où l'on a découvert il y a quelques années des fossiles d'Homo naledi, refont parler d'elles, Antoine. Oui, c'était en 2013, les équipes du paléo-anthropologue américain Lee Berger découvraient dans cet ensemble de grottes plus de 1000 os fossiles appartenant à une douzaine d'individus d'une nouvelle espèce du genre Homo, l'Homo naledi. L'âge estimé de cette espèce a d'abord été situé entre 1 et 2 millions d'années avant notre ère, mais une datation de 2017 a réévalué cet âge à environ moins de 150 000 ans, ce qui complique l'interprétation de la position phylogénétique d'Homo naledi, qui présente des caractères primitifs proches de ceux des Australopithèques, à une époque où les Homo sapiens étaient en train d'émerger. Alors une nouvelle découverte dans ces grottes de Rising Star vient épaissir le mystère qui les entoure. L'étude détaillée d'une mâchoire trouvée dans la grotte trouble les chercheurs. Cette mâchoire, sur laquelle ne reste qu'une grosse molaire, ne correspond ni à celle d'un humain moderne, ni à celle d'Homo naledi, ou encore à celle d'un Australopithèque. On a longtemps dit que les grosses molaires étaient le fait d'espèces primitives, mais comme le rappelle Lee Berger, qui prend pour preuve Homo naledi, avec son crâne à peine plus large que celui d'un chimpanzé, certains traits primitifs peuvent réémerger dans des espèces plus récentes. Quant à savoir si cette grosse dent est la preuve d'une nouvelle espèce appartenant au genre Homo, il faudra bien évidemment attendre de futurs travaux d'analyse. Voilà, et on vous met comme chaque jour, et vous en avez l'habitude maintenant, tous les liens qu'il faut vers les études, vers les sources sur notre fil Twitter @laméthodefc, ainsi que sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Au Royaume-Uni, les vaccinations avec le vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford viennent de débuter. Et ce vaccin rejoint ceux développés par BioNTech, Pfizer et Moderna dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Il ne s'agit pas cette fois d'un vaccin à ARN messager, mais d'un vaccin à vecteur viral qui prend comme support un autre virus, en l'occurrence un adénovirus de chimpanzé qui a été transformé et adapté pour combattre le virus. Ce vaccin est moins cher, plus facile à stocker que les vaccins à ARN messager, et il semble efficace contre le variant de SARS-CoV-2 découvert au Royaume-Uni. 530 000 doses sont déjà disponibles outre-Manche, où près d'1 million de personnes ont déjà été vaccinées. Voilà, et si vous voulez tout savoir sur les vaccins ARN messagers, on va vous remettre le lien vers l'émission que vous présentiez d'ailleurs, Antoine, il y a une quinzaine de jours et qui était très complète sur le sujet. En bref, toujours, la sonde New Horizon vient de mettre en évidence une lumière intrigante dans l'espace. Si on enlève la lumière émise par les étoiles et les galaxies, est-ce que l'espace est vraiment aussi sombre qu'on le dit? C'est la question que se sont posées les chercheurs du National Optical Infrared Astronomy Research Laboratory. Après avoir analysé une image du cosmos sans source lumineuse connue, ces astronomes sont arrivés à la conclusion que le vide interstellaire n'était pas plongé dans le noir absolu. La source de cette lumière est inconnue, il pourrait s'agir d'étoiles ou de galaxies lumineuses encore non répertoriées, ou bien d'un autre facteur à identifier. Et enfin, certains jeunes chercheurs ne verront pas le financement de leurs recherches prolongé par la Commission européenne. Et ce, malgré l'épidémie de Covid-19 qui a porté un coup brutal à la continuité des activités de recherche. C'est ce que met en lumière David Larousserie dans Le Monde. Ces jeunes chercheurs en post-doctorat ou en thèse, majoritairement des femmes, ne verront pas leur contrat de recherche reconduit, laissant craindre un accroissement de la précarité dans la jeune recherche européenne. Il faudrait 350 à 500 millions d'euros pour prolonger ces projets de recherche qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'un des programmes phares de financement de la recherche européenne, les actions MSCA, un ensemble de subventions qui concerne chaque année près de 9500 bénéficiaires. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve demain et toute la semaine pour le Journal des Sciences. Les derniers rapports sur l'effondrement de la biodiversité ne sont pas, il faut malheureusement l'avouer, des plus encourageants. Environ 60% des populations d'espèces sauvages auraient disparu en un peu plus de 50 ans. Et lorsqu'on pense effondrement de la biodiversité, eh bien on pense bien entendu à la déforestation, à la destruction des habitats naturels, à la pollution, au réchauffement climatique. Mais on pense moins à une cause pourtant majeure de cet effondrement, les espèces invasives ou EEE pour espèces exotiques envahissantes qui sont considérées aujourd'hui comme la seconde menace qui pèse sur la biodiversité mondiale derrière la destruction et la fragmentation des habitats. Or, si la prolifération d'espèces invasives exotiques, c'est-à-dire importées par l'homme sur des territoires sur lesquelles elles ne se trouvaient pas, existent depuis bien les premières grandes migrations et conquêtes humaines, l'augmentation de la circulation et du trafic humain et de marchandises a singulièrement accéléré ces logiques invasives. Retour en arrière avec notre archive du jour, nous sommes en février 1950, dans l'heure de la culture française. L'introduction de la carpe en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, de la truite en Nouvelle-Zélande et dans les rivières du Pérou a provoqué la disparition de nombreux poissons autochtones qui formaient parfois le fond de la nourriture de certains peuples. Les répercussions peuvent se montrer plus complexes ainsi. Aux Barbades, les petits poissons introduits, appelés goupilles, en dévorant les larves de moustiques, ont entraîné la disparition de la fièvre jaune, mais comme ils dévorent aussi le plancton, ils ont privé de celui-ci les autres espèces aquatiques et conduit à la faillite de la pisciculture locale. Des invasions catastrophiques de cet ordre, nous en connaissons chez nous. Le crabe chinois, le poisson-chat, la perche soleil qui, à l'époque du frais, se nourrit de la ponte d'autres espèces, les black bass sont des ravageurs de nos rivières venus de loin, mais désormais fermement établis là où ils sont. C'est peut-être en Nouvelle-Zélande et en Australie qu'il faut aller chercher les meilleurs exemples de telles transformations. Le plus spectaculaire concerne le lapin d'Europe, dont l'introduction en Australie et en Nouvelle-Zélande s'est révélée une catastrophe nationale. Il est curieux de signaler par cet exemple combien un événement énorme, dont dépend l'économie tout entière d'une région considérable, peut être lié à une circonstance fortuite, même minuscule. Plusieurs essais d'introduction de lapins avaient échoué au cours de trois quarts de siècle. Et c'est le jour de Noël 1859 qu'une cargaison de 24 de ces animaux débarquant à Victoria devait trouver son exceptionnel avenir. Voilà la voix de Roger Haim, qui était directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Une réaction à cette archive, hein. Nous sommes 70 ans après, et je la trouve intéressante parce qu'elle cite un certain nombre d'espèces qui sont décrites comme étant invasives et qui aujourd'hui, en tout cas, n'ont plus l'air d'être répertoriées comme telles, Jean-Loup Justine. Le lapin, bien sûr, il est toujours considéré comme envahissant. Mais on a fait des choses. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est d'entendre Roger Haim, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et directeur du muséum à l'époque, parler de cela, alors que au début du XXe siècle, certains professeurs du Muséum national d'histoire naturelle étaient allés sur le continent nord-américain ramener des espèces de poissons. Parce que l'idée, c'est qu'il y avait une plus grande biodiversité de poissons en Amérique du Nord. Et l'idée simple à l'époque, c'était de ramener ces espèces et de les lâcher dans la Seine. Et ils lâchaient des espèces de poissons américains dans la Seine, au bout de la rue Buffon. Et ça, c'est exactement, maintenant, on sait exactement que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, heureusement, la science a évolué. Elsa Bonneau, votre réaction à cette archive de Roger Haim? Oui, c'est vraiment intéressant. On trouve que la prise de conscience a été faite à l'heure actuelle. On sait qu'on peut plus faire n'importe quoi avec n'importe quelle espèce. Mais c'est vrai que par contre, ensuite, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les moyens d'action sont plus compliqués à mettre en place parce qu'une fois que l'espèce qui a été introduite par les humains devient envahissante, on peut plus faire grand chose selon certaines échelles considérées. Et notamment dans les continents. Sur les îles, c'est un peu plus facile, entre guillemets, mais sur les continents, c'est plus compliqué. On fera le distinguo tout à l'heure, hein, entre les écosystèmes insulaires et les écosystèmes continentaux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on entend Roger Haim, on l'entend parler de la carpe ou de la truite, l'introduction de la truite en Nouvelle-Zélande ou au Pérou. On entend parler de la perche soleil en France. Aujourd'hui, en tant qu'espèce invasive, aujourd'hui, Jean-Loup Justine, ces espèces-là sont toujours considérées invasives ou est-ce qu'on peut on peut imaginer ou comprendre que certaines espèces invasives finissent au bout de certains temps par s'inclure dans un écosystème et par y participer sans complètement le détruire? On peut l'imaginer et puis certaines espèces envahissantes ont finalement envahi moins que ce qu'on pouvait le prévoir. Mais le problème que nous avons maintenant au XXIe siècle, c'est que ce nombre d'espèces envahissantes, il augmente de manière exponentielle. On en signale des nouvelles chaque année. Et la communauté européenne, par exemple, a une liste qui augmente chaque année parce que sans arrêt, on en transporte de nouvelles. Elsa Bonneau, votre sentiment à ce point-là, est-ce que on va revenir un peu sur l'aspect historique, mais aujourd'hui on considère par exemple toujours que la perche soleil est une on pense à nos auditrices et à nos auditeurs qui peuvent aller taquiner le goujon ou qui sont pêcheurs occasionnels ou non, la perche soleil est toujours considérée comme une espèce invasive en France? Bah, le problème, c'est que comme elle a été introduite depuis de nombreuses années, c'est compliqué ensuite de pouvoir vraiment agir dessus. Et donc finalement, on baisse entre guillemets un peu les bras. C'est que si l'introduction est trop ancienne, de toute façon, ça sera très difficile de mettre en œuvre des moyens pour l'éliminer complètement. Et heureusement, effectivement, il y a certaines espèces envahissantes qui finalement finissent par s'intégrer à l'écosystème. Mais c'est vrai que, en règle générale, elles ont des impacts vraiment importants de fait qu'elles prolifèrent et qu'elles se répandent sur l'ensemble du territoire. Et en fait, c'est pas tellement le fait qu'elles soient introduites qui est problématique, c'est le fait qu'elles se répandent, qu'elles prolifèrent. Et du coup, elles ont des impacts souvent sanitaires, économiques et bien sûr écologiques sur l'ensemble de l'écosystème. Et ce qui est plus important encore, c'est les réactions en chaîne qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Dans les petits reportages qu'on a entendus au début de cette émission-là, c'est que quand on met dans un écosystème une nouvelle espèce, vous avez toutes des réactions en chaîne, notamment au niveau de la chaîne trophique, de la chaîne alimentaire, qui font des effets cascades et souvent on n'arrive plus à arrêter l'emballement du système. C'est ça le vrai problème. Et on va voir que le problème aussi, et ce que disait Jean-Loup Justine à l'instant, c'est un problème de fréquence, de déplacement d'espèces et d'invasion à répétition qui finissent par fragiliser durablement les écosystèmes. C'est le thème de notre première émission de l'année. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des espèces exotiques envahissantes, les EEE, ou espèces invasives dans le langage courant. Nous en parlons avec Jean-Loup Justine et Elsa Bonneau. Elsa Bonneau, peut-être un point de définition. Qu'est-ce qu'on entend exactement par espèce exotique envahissante? Pourquoi ces deux adjectifs à coller au nom commun? Exotique parce que ça vient d'ailleurs. Et donc, on va se limiter là pour cette émission au fait qu'elles aient été introduites dans un nouvel écosystème par le vecteur. Il faut un vecteur hein, pour introduire une espèce dans un nouveau milieu. Donc, par le vecteur humain, par les humains. Et envahissantes parce que justement, c'est des espèces qui prolifèrent, qui se reproduisent très rapidement, qui peuvent s'étendre de façon très importante, que ce soit les espèces animales ou végétales. Et c'est ce caractère de prolifération qui est du coup problématique, parce que bien évidemment, toutes les espèces introduites ne sont pas envahissantes. Mais c'est les espèces dont on perd finalement le contrôle qui pose souci, parce que une fois qu'elles sont là, une fois qu'elles sont implantées, si on n'arrive pas à les réguler très tôt, et même faire de la prévention pour qu'elles évitent d'arriver dans le nouvel écosystème, une fois qu'elles sont introduites, si on les détecte trop tard, ensuite... elles sont dans l'écosystème, elles prolifèrent, elles deviennent ce qu'on appelle surabondantes, et ensuite ça pose des déséquilibres au niveau des écosystèmes, et donc de l'ensemble des communautés animales ou végétales. Jean-Loup Justine, j'insistais sur exotique parce que, par exemple, pour prendre un exemple concret en France, on parle souvent et on a entendu parler il y a peu avant les fêtes des problèmes liés par exemple à la prolifération des sangliers, mais on ne parle pas d'espèces invasives pour autant parce que le sanglier, eh bien, il est endémique aux campagnes et aux forêts françaises. Il y a un distinguo à faire de ce côté-là? Ah oui, absolument. Le sanglier, il n'a pas le droit au deuxième E de EEE. Il n'est pas exotique. Alors, s'il prolifère, c'est probablement par exemple, parce qu'il n'a pas de prédateur. Et c'est exactement la même raison qui fait proliférer une espèce EEE, une espèce exotique envahissante. C'est aussi le fait qu'elle n'aura pas de prédateur là où elle arrive. Ça concerne tous les groupes taxonomiques, cette dénomination d'espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire finalement des plus petits, des bactéries aux plus complexes, les mammifères, on peut en trouver vraiment dans tous les taxons phylogénétiques, Jean-Loup Justine ? Oui, bien sûr. Alors la définition, elle peut effectivement s'appliquer à tous les taxons. Je n'ai jamais entendu parler de bactéries qui soient considérées comme EEE, mais ça serait logique. On pourrait dire, hein, si on voulait vraiment tirer la définition au maximum, on pourrait dire que le coronavirus est une EEE, parce qu'il est arrivé dans un milieu qui est l'espèce humaine et qui n'a pas de défense contre elle, parce que la défense dans ce cas-là, ça serait les anticorps, l'immunité naturelle. Et la progression d'un virus dans une population humaine, c'est la même chose que la progression d'une EEE dans un écosystème. Mais je répète, ça c'est en tirant la Bien définition sûr. Vraiment jusque en l'étirant au maximum. Bien sûr, mais ça fait relativement sens. Elsa Bonneau, qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai qu'on peut faire ce parallèle-là. C'est sûr que moi, j'ai plus de mal à le faire parce que je ne suis pas du tout dans les domaines sanitaires ou parasitoïdes, ou parasites, ou même virales. Mais c'est vrai qu'on pourrait. On pourrait faire ce parallèle-là. Mais du coup, pour revenir un peu et pour tirer, alors non pas sur cet aspect de la définition des espèces envahissantes exotiques, mais sur ce que je disais tout à l'heure, finalement, le changement d'écosystème d'espèces par la main de l'homme, on pourrait dire que c'est constitutif aussi, ou en tout cas c'est lié à l'évolution de notre espèce humaine, quand elle a colonisé la planète. Elle s'est déplacée parfois avec certains animaux. On peut imaginer, on pourrait même dire, si on tire un peu sur la définition, que c'est la définition de l'agriculture intensive. On a mis des vaches partout alors qu'il n'y avait pas, a priori, de vaches partout, Jean-Loup Justine. Comment est-ce qu'on peut faire le distinguo là aussi? Alors, pour les vaches, ça sort de la définition parce que les vaches sont élevées et donc elles ne prolifèrent pas de manière libre dans la nature. Mais pour vous donner une idée, selon les définitions de la communauté européenne, on considère qu'une EEE est nouvellement arrivée en Europe si elle est arrivée depuis 2000 ans. Et dans cette définition, de manière amusante, le lapin est considéré comme une EEE dans les îles britanniques parce que c'est les invasions romaines qui ont amené le lapin dans les îles britanniques. Tout le monde est bien d'accord qu'il y a des lapins partout en Angleterre. Hein. Mais dans la définition, c'est une... Bien sûr, mais justement, c'est intéressant ce point de vue historique parce que on peut penser que ce soit les croisades, que ce soit la colonisation des continents américains, l'homme n'a cessé de se déplacer avec volontairement ou involontairement. On peut penser aux rats dans les navires. Enfin, je veux dire, l'homme n'a cessé de contribuer au déplacement d'espèces finalement. Qu'est-ce qui marque aujourd'hui la limite ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se préoccupe plus que naguère d'un certain nombre de ces espèces, et on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, on pense au ver plat, on pense au frelon asiatique et tant d'autres, qui d'un seul coup, effectivement, font des ravages en matière de biodiversité, Elsa Bonneau. En fait, on s'en préoccupe plus parce que c'est, comme l'a dit Jean-Loup Justine au début de l'émission, c'est un effet de nombre et de seuil. En fait, de plus en plus, du fait des déplacements humains qui ont accéléré de manière exponentielle avec les avions notamment, mais tout le fret aussi, tous les cargos, tous les différents voyages, on a complètement éliminé les barrières géographiques naturelles. Et donc finalement, on a en réponse une augmentation aussi exponentielle de l'introduction d'espèces. Et parmi ces nombreuses espèces qui sont véhiculées et introduites chaque année dans différents milieux, y en a qui sont potentiellement envahissantes, voire envahissantes, et qui impliquent vraiment... des impacts profonds et des profonds, enfin, qui peuvent engendrer des impacts profonds dans les écosystèmes. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'une espèce devient envahissante ? Est-ce que ça marche à chaque fois ? Parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de trafic, de déplacements volontaires et involontaires. Pourquoi, à un moment donné, une espèce va pouvoir, eh bien, pulluler et devenir envahissante, Elsa Bonneau ? Alors, on parle beaucoup de traits biologiques des espèces, et donc typiquement, les espèces les meilleures candidates à l'invasion, si on peut parler comme ça, ça va être des espèces qui sont très généralistes, qui s'adaptent à différents milieux, qui peuvent consommer différentes proies, qui ont aussi un potentiel de reproduction très très important, qui ont une capacité de dispersion souvent importante. Par exemple, chez les plantes, il y a énormément de plantes invasives qui se reproduisent seulement par rejet ou par clonage. Et donc, c'est vraiment ces types d'espèces-là qui peuvent poser problème. Jean-Loup Justine ? Oui, absolument. Il y a aussi une proportion élevée, pour les animaux, une proportion élevée d'animaux envahissants qui ont la particularité d'être hermaphrodites. Ou alors d'avoir abandonné la reproduction sexuée. Alors, abandonner la reproduction sexuée, ça veut dire que si vous introduisez un seul individu, il va être capable de se reproduire, même s'il est tout seul, même s'il ne rencontre pas les autres individus qui sont un peu trop loin, et il va être capable d'envahir toute une région à partir d'un seul individu. On a beaucoup parlé d'une langouste à ce propos, hein, qui s'est mis à pulluler je crois de mémoire, parce que je n'ai plus l'étude en tête, il me semble que c'était dans l'océan Atlantique, et qui est une langouste justement qui s'était convertie à la parthénogenèse, c'est cela, Jean-Loup Justine ? Voilà, la parthénogenèse, la reproduction clonale, ce sont des moyens. Ce sont des moyens de reproduction qui favorisent certaines espèces et qui leur permettent d'aller beaucoup plus vite à proliférer et à envahir une région. On parle d'une règle qui s'appelle la règle de Williamson, une règle des 10%. Elsa Bonneau, cette règle, elle est théorique, elle est empirique, elle est confirmée. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, cette règle des 10%, elle est très, très théorique, et puis ça dépend surtout des taxons, donc des groupes d'espèces considérés. La règle des 10%, c'est typiquement que pour 100 espèces qui vont être introduites, vous allez en avoir 10 qui vont pouvoir vraiment se pérenniser dans l'écosystème d'accueil, dans le nouvel écosystème, et une qui va devenir envahissante. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment très différent selon les groupes d'espèces considérées. Et chez les mammifères, par exemple, cette évaluation, elle est beaucoup plus importante. Donc, c'est difficile de généraliser parce qu'on n'a pas toutes les données, mais beaucoup plus importante, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par beaucoup plus importante? Bah, c'est pas une 1%, c'est pas parce qu'on introduit 10 espèces de mammifères dans une île, par exemple, qu'il y en a une seule qui va devenir proliférante ou envahissante. Non. C'est vraiment plus important que ça. En général, c'est plutôt de l'ordre de 10% chez les mammifères, mais je suis prudente avec les chiffres parce que c'est toujours difficile de donner des chiffres alors que c'est des tendances générales. Jean-Louis Justine, sur cette règle des 10%? Oui, ça, je suis bien d'accord avec Elsa, ça varie selon les taxons. Mais en tout cas, cette règle, elle a l'intérêt de nous montrer que c'est bien difficile d'identifier ce que c'est qu'une EEE et surtout le troisième E envahissant. Parce que si vous avez une espèce qui s'implante et qui va tout doucement rester à quelques individus dans un ordre donné, vous n'avez pas le droit de l'appeler EEE. C'est une espèce exotique, mais elle n'est pas encore envahissante. Et c'est un problème. À quel moment est-ce qu'on va considérer qu'elle est envahissante? À quel moment on va en parler au pouvoir public? À quel moment on va décider que dans une loi, on va la déclarer comme envahissante et qu'on va faire quelque chose? Et puis, à quel moment on va le faire trop tard? Parce que on l'aura vu progresser tout doucement, puis d'un seul coup, elle explose. Et ça, c'est un des très gros problèmes de la gestion des nouvelles espèces exotiques envahissantes. Quels sont le type de dégâts exacts que l'on reproche à ces espèces exotiques envahissantes, ou en tout cas à partir de quel degré de dégâts sur l'écosystème on commence à les considérer comme envahissantes, Elsa Bonneau? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que souvent c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a différents impacts, hein. Il peut y avoir des impacts écologiques, des impacts sanitaires et des impacts économiques. Pour les impacts écologiques, typiquement, quand il commence à y avoir des diminutions d'abondance d'espèces natives, donc des espèces qui étaient initialement présentes dans l'écosystème, ou s'il y a même des extinctions d'espèces, là, ça commence à devenir très problématique. Parce que ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait des extinctions d'espèces, c'est surtout qu'on perd aussi les fonctions écologiques associées à ces espèces et qu'il n'y a pas un renouvellement suffisant pour combler finalement cette extinction d'espèces. Donc bien sûr, les extinctions d'espèces, hein, ça c'est dès qu'il y a des extinctions d'espèces, on s'en préoccupe de façon plus importante. Également, quand il y a des phénomènes d'étouffement du milieu, alors ça c'est plutôt pour les espèces végétales, mais typiquement pour la jussie, hein, par exemple, qui étouffe complètement les berges des milieux aquatiques, en France notamment, mais ailleurs aussi. Et ensuite, vous avez tous les impacts sanitaires qu'on peut connaître avec le moustique tigre, par exemple, qui va véhiculer des différents pathogènes, ou l'ambroisie, qui peut faire des réactions allergiques très importantes, c'est une espèce végétale. Donc voilà, dès que ça commence un petit peu à préoccuper de façon soit écologique, soit sanitaire et également économique aussi. J'ai des collègues de mon laboratoire, notamment Christophe Diacne et Franck Courchamp, qui sont en train de travailler sur le coût économique des espèces envahissantes. Et les coûts qu'ils sont en train d'évaluer sont vraiment très importants. Ils estiment à l'échelle mondiale que c'est à peu près environ 100 milliards de dollars par an. Donc, c'est assez important. Oui, ce qui est très important. Je l'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, Jean-Louis Justine, ces espèces exotiques envahissantes seraient la seconde menace contre la biodiversité après la destruction de l'habitat. Ça paraît très important. Est-ce que vous avez le sentiment cette problématique est suffisamment non seulement connue, mais également prise en compte, essayer pour tenter de l'endiguer, de la limiter ou d'intervenir de la main humaine pour essayer d'éviter justement la prolifération de ces espèces envahissante? Bien entendu, ce n'est pas assez pris en compte, bien entendu. Parce que souvent, on a un problème, c'est que certaines de ces espèces, elles sont peut-être introduites depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qu'on n'a pas les moyens de faire un point zéro de l'écosystème avant l'introduction. On n'a pas eu l'étude écologique détaillée des réseaux trophiques, comme disait Elsa Bonneau, il y a 30 ans, à un endroit donné. Puis maintenant, on a une ou deux ou trois ou 10 espèces qui sont introduites là. Et on se demande, est-ce qu'elles perturbent vraiment l'écosystème? C'est vraiment difficile de comparer avec le même écosystème non perturbé parce qu'on n'a pas fait l'étude il y a 20 ans ou 30 ans. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Est-ce que on imagine, alors on va prendre des exemples hein, très concrets dans quelques minutes dans la seconde partie de l'émission, mais est-ce qu'on peut imaginer, compte tenu de la vitesse à laquelle s'accélère la dispersion de ces espèces parasites à différents endroits, hein, que ce soit des insectes, vous allez entendre, des vers, des oiseaux, des mammifères, il y en a vraiment pour tous les goûts, est-ce qu'on peut imaginer une planète qui fonctionnerait avec une biodiversité extrêmement appauvrie et 90% finalement des espèces qui seraient des espèces invasives, envahissantes, et il resterait plus qu'à la marge finalement quelques petites espèces sauvages dans des réserves. Est-ce que c'est soutenable comme modèle écologique ou est-ce que c'est aller directement à l'effondrement, Jean-Louis Justine ? Votre question c'est est-ce qu'on peut l'imaginer ? Oui, malheureusement on peut l'imaginer. Si la question c'est est-ce qu'on peut imaginer que ça fonctionne ? Très probablement, la prédiction qu'on peut faire, c'est que ça fonctionnera très mal. C'est-à-dire qu'un écosystème où il y aura un nombre d'espèces très réduit et dont la plupart seront exotiques et envahissantes, fonctionnera très mal, c'est-à-dire avec une année, une prolifération d'une espèce, l'année d'après, cette espèce qui verra son nombre diminuer énormément, puis une autre prolifération. Et puis la disparition de la biodiversité et de tous les services qu'elle peut rendre. Alors oui, on peut l'imaginer, malheureusement, ça pourrait nous arriver, oui. Elsa Bonneau ? Oui, je suis assez d'accord avec le commentaire de Jean-Louis Justine. Hein. C'est que oui, ça peut arriver. Le problème qu'il y a dedans, c'est qu'effectivement, quand on perd énormément d'espèces, eh bien, on perd toutes les fonctionnalités des espèces qui vont avec ces espèces-là. Et donc, notamment les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que rendent les espèces à la biodiversité, mais aussi et aux êtres humains. Hein. Donc effectivement, quand on a cette perte de fonctionnalité importante, là, ben, on ne sait pas trop comment le système va arriver à perdurer, parce que on a souvent tendance à dire aussi que plus il y a une diversité importante, plus c'est le garant d'une stabilité de ces écosystèmes. Alors, une stabilité dynamique, bien évidemment, mais on appelle ça de la redondance écologique. C'est-à-dire que si on perd une espèce, très probablement, il y a une espèce proche qui va prendre le relais ou les fonctions, etc. Mais si on n'a plus ce pool d'espèces redondants, ben, les écosystèmes et son fonctionnement, et leur fonctionnement va être grandement fragilisé, on va l'appauvrir et on va avoir une certaine façon, une grosse homogénéisation globale des milieux. Et qui dit homogénéisation dit ben, perte, hein, perte de fonction, perte d'espèces et appauvrissement global des écosystèmes. On va prendre hein, quelques exemples très concrets de ces espèces envahissantes exotiques et puis on va essayer également de réfléchir aux solutions pour limiter cette homogénéisation et essayer de conserver de la diversité dans les différents écosystèmes de notre planète. Going down with the people that I found. Would you say it's over? I'm gonna fight for the freedom that I'm told I need to find before the moment and for the future. Show Them How to Play d'Alexander à 16h35 sur France Culture, comme toujours et depuis ce deuxième confinement ou cette deuxième vague qui n'en finit plus de ne pas finir. On soutient la scène musicale indépendante française. D'ailleurs, si vous composez de la musique vous-même, si vous connaissez des groupes, n'hésitez pas à écrire à l'émission si vous souhaitez être diffusé. On va continuer dans cette lancée et continuer à diffuser des titres de jeunes groupes indépendants en français dans l'émission en forme, eh bien, encore une fois, de soutien à cette industrie musicale, culturelle durement touchée par cette épidémie. Nous parlons donc, tout au long de cette heure, eh bien, nous parlons d'espèces invasives, d'espèces exotiques envahissantes, pour utiliser la terminologie correcte. Nous en parlons avec Jean-Loup Justine, qui est zoologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et directeur adjoint de l'Institut de Systématique d'Évolution et de Biodiversité, et avec Elsa Bonneau, qui est maître de conférence en écologie à l'Université Paris Sud. On va passer donc, comme je vous le disais, aux travaux pratiques. Et parmi les espèces invasives récentes bien connues du grand public, il y a l'incontournable frelon asiatique, auquel nous avions d'ailleurs consacré une émission il y a peu de temps, plus précisément frelon à pattes jaunes, Vespa velutina. Et c'est l'espèce à laquelle vous êtes intéressé, Céline Lozen, via une visite eh bien, au Muséum National d'Histoire Naturelle au sein de l'unité Patrimoine Naturel. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, je suis allée voir un spécialiste des hyménoptères, Quentin Rome, qui est chargé du suivi de l'invasion du frelon asiatique en France et en Europe. Depuis son introduction accidentelle dans le Lot-et-Garonne en 2005, via des conteneurs de poterie venus de Chine, il étudie l'expansion du phénomène. Avec son équipe, il a conçu un inventaire national en ligne qui permet à tout citoyen de signaler et de référencer la présence du frelon. Au-delà de cette observation, il s'agit aussi de limiter la progression du frelon dans la mesure du possible, de sensibiliser les pouvoirs publics, d'en mesurer les impacts négatifs pour les écosystèmes et les espèces endémiques, et notamment les abeilles, premières victimes de cette espèce invasive. Le frelon asiatique, il a été découvert en 2005 en France, à savoir que c'est une espèce qui n'était pas connue du tout. On savait que ça mangeait l'abeille domestique, mais c'est tout. Et donc en 2006, on a lancé l'inventaire du frelon, donc on a fait un appel à sensibilisation, grâce notamment à un site internet qu'on a au muséum qui s'appelle l'Inventaire National du Patrimoine Naturel. Et ça nous a permis de remonter des données antérieures. On a eu une preuve de présence du frelon asiatique en Lot-et-Garonne, d'un nid de frelon asiatique en 2004. Donc on a lancé comme ça un inventaire, donc un appel à participation, donc essentiellement auprès des apiculteurs, puisque c'est un prédateur d'abeilles. Mais du coup, ça nous a permis de récupérer beaucoup de données. Elles sont toutes larges, de caisses entières juste pour les premières années, parce qu'au début, c'était papier, forcément. C'est des fiches de renseignement, des formulaires. Des formulaires papier, j'en reçois encore, des formulaires papier. Ah, de tout le territoire français. De tout le territoire français, voire européen, parce qu'on a aussi... comme le frelon est arrivé en France au début, on a aidé un peu tous les pays voisins, enfin quasiment tous les pays voisins, à mettre en place leur inventaire aussi. Alors, vous recevez ces formulaires, vous les compulsez, et ensuite, qu'est-ce que vous faites de cette donnée, de ces connaissances Alors, je rassure, aujourd'hui, on est quasiment exclusivement sur Internet, donc avec des applications. Mais forcément, un inventaire, si on veut approcher l'exhaustivité, on ne peut pas le faire que nous, pas que nous, nationalement, comme ça, en recevant des photos. On est obligé de s'appuyer sur des acteurs locaux, qui vont être des insectiseurs, qui vont être des organismes de lutte contre les nuisibles, ça peut être des syndicats apicoles, ça peut être plein de choses, et qui vont au final faire l'inventaire localement et nous faire remonter les données. Comment ça se passe pour un citoyen quand il suppose avoir détecté, identifié un frelon asiatique? Quelles sont les caractéristiques? Le frelon asiatique, c'est une guêpe sociale, donc il ressemble à un frelon, il ressemble à une guêpe, c'est plus petit que le frelon d'Europe. Il est majoritairement noir, avec les pattes jaunes, et il a un segment d'abdomen qui est orange. Et ce qui est surtout facile à reconnaître, c'est ses nids. C'est le seul qui fait des nids en hauteur dans les arbres, et des nids qui peuvent atteindre 60 à 80 cm de diamètre. Ok, donc du coup, je vous emmène voir la collection d'hyménoptères du muséum. Une odeur particulière. Il y a une odeur particulière, c'est les anciens insecticides qui étaient utilisés, enfin c'est le créosote du hêtre qui est dans cette odeur. Ici on peut voir déjà des nids assez impressionnants. Et donc on a, donc dans la collection, on a énormément d'insectes, donc je crois qu'on a quasiment 2 millions d'insectes qui sont épinglés pour les hyménoptères. Et on a notamment une collection de nids d'insectes, donc ça va être essentiellement des guêpes et des fourmis. Et donc là ce que vous avez devant vous, c'est des nids de guêpes. Alors essentiellement, là, elles sont toutes, quasiment toutes d'Amérique du Sud, mais là, il y a un nid. Alors, le frelon asiatique. C'est peut-être le frelon asiatique. Celui-là, il n'a pas d'étiquette, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, ça. Et vu l'état, c'est pas cette structure-là. C'est pas génial, mais en gros, voilà, tous les nids de guêpes sociales qu'on a en Europe et en Asie et aussi en Amérique du Sud. C'est vraiment impressionnant en termes de dimensions. Alors là, pour ça, je vous dis, celui-là est peut-être un nid de Vespa velutina. C'est des nids qui font 60 cm de diamètre. Celui-là, il est. Ça pèse combien ça. Ah, ça pèse pas très lourd parce qu'en fait, ils sont faits en papier. Ils sont faits en papier, c'est alvéolé. Et au final, le seul poids, c'est le poids des larves et le poids des branches dans lesquelles ils sont enchevêtrés. Donc le nid en tant que tel, il pèse pas très lourd. Quand il y a des larves, si ça doit quand même pouvoir dépasser le kilo. Mais c'est quand même une structure qui est très légère et très résistante. Voilà, c'est du papier alvéolé, donc ça marche très très bien. Avant de les avoir placés ici en collection, vous les avez analysés, modélisés d'une certaine manière ? Bon, alors ceux-là, c'est des nids historiques. Hein. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances dessus. Vous voyez, il y a un numéro, il faudra aller rechercher dans le catalogue. En fait, on n'a pas beaucoup de nids de frelons asiatiques, de Vespa velutina, parce qu'on les a disséqués quasiment tous ceux qu'on a collectés. Et donc on les a complètement ouverts, on les a dépiautés, et il n'y a plus rien aujourd'hui. Mais tous ces nids, alors ceux-là, on est en train de les modéliser. On les passe au scanner surfacique et donc il permet de voir un peu les structures qu'on a dessus. Au-delà d'être un prédateur très nocif pour les colonies d'abeilles, quels sont les autres dommages collatéraux au niveau du stress des groupes ou des écosystèmes au niveau local ? Alors ça, c'est une publication qui vient d'être acceptée. La majeure partie en fait de l'impact, c'est par le stress qui va engendrer sur les colonies d'abeilles. En fait, les abeilles domestiques n'ont pas coévolué avec une espèce qui chasse de cette façon. Elles se retrouvent confrontées à un frelon qui se met en vol stationnaire devant la ruche et qui reste là. Et en fait, elles vont arrêter de sortir de la ruche. Alors ça marche avec le frelon d'Europe qui lui va attraper une abeille en passant. Si elles ne sortent plus, le frelon il part. Celui-là, il reste et il attend. Donc forcément, les abeilles elles restent dans la colonie et finalement, elles ne rapportent plus de nourriture. Donc l'impact du frelon asiatique, il n'est pas direct, c'est pas par la prédation en tant que tel, même s'il est quand même là, hein. Mais c'est essentiellement parce qu'en fait il va faiblir les colonies d'abeilles à l'entrée de l'hiver. Donc en fait elles n'auront plus assez de réserves pour l'hiver. Sur les autres espèces, le frelon asiatique a un impact qui est quand même plutôt négligeable, parce qu'il a tendance à chasser des espèces qui vivent groupées. Et donc typiquement ça va être des guêpes sociales, il va les attaquer en fin de saison, quand elles sont en fin de cycle de vie. Donc elles sont en phase de reproduction ou en fin de reproduction, donc du coup il n'y a plus trop d'impact. Vous pensez qu'on dramatise l'impact de l'invasion de ce frelon asiatique ? Alors c'est un peu exagéré, on va dire. C'est vraiment amplifié par rapport à la réalité. La réalité, c'est un impact sur l'apiculture. Ça, on ne va pas dire qu'il n'y a pas d'impact sur l'apiculture, il y en a un, c'est clair. Mais voilà, le frelon asiatique, on en a peur et il faudrait pas en avoir peur. C'est pas une espèce agressive. À moins d'aller titiller son nid, on n'a pas trop de soucis à se faire. Et voilà un exemple concret donc d'espèces exotiques envahissantes, le frelon à pattes jaunes, dit frelon asiatique, introduit au début des années 2000 et qui maintenant prolifère partout en Europe. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce reportage, Elsa Bono ? Oui, c'est intéressant, ça montre un petit peu comment une espèce peut arriver de façon relativement tardive dans notre écosystème, ici donc en France, en métropole. Et en l'espace de 15 ans, avoir envahi énormément d'habitats. Et effectivement, donc il explique à la fin du reportage que c'est pas spécialement un problème pour l'humain parce que c'est pas agressif. Mais par contre, effectivement, au niveau de la perte de biodiversité, notamment au niveau des espèces d'abeilles, son impact est vraiment, vraiment important maintenant. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui identifié, soit d'interrompre la progression d'une espèce invasive, c'est-à-dire de la main de l'homme, hein, pas uniquement de l'interrompre à cause des conditions climatiques, ou voire de faire reculer la progression de ce type d'espèce invasive comme le frelon à pattes jaunes, Jean-Loup Justine ? Une des raisons pour laquelle on pense qu'une espèce devient envahissante, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de libération des ennemis. Hein. C'est-à-dire que quand l'espèce arrive dans un nouveau milieu, elle va être libérée de ses ennemis naturels qui limitent ses populations, c'est-à-dire les pathogènes, les parasites et les prédateurs. Et donc, quand on a prolifération d'une nouvelle espèce envahissante dans un milieu, les idées intelligentes, ça peut être effectivement d'introduire son parasite ou son prédateur. Parfois, quand on a fait ça, on a fait une deuxième catastrophe encore plus grave parce que le prédateur qu'on a introduit, eh bien, effectivement, il a un peu mangé l'espèce invasive, mais il a aussi mangé d'autres espèces et il a encore plus contribué à la destruction de l'écosystème et de la biodiversité. Et donc, ben, ce n'est vraiment pas facile de limiter la progression d'une espèce exotique envahissante une fois qu'elle est installée. Mmh. Parlez-nous, Jean-Louis Justine, d'une autre espèce que vous connaissez bien, sur laquelle vous avez travaillé. C'est même votre hâte sur Twitter, platelminthe, c'est-à-dire le ver plat, un ver que connaissent bien beaucoup de concitoyennes et de concitoyens qui ont un petit bout de jardin ou de potager, notamment dans le sud-ouest et sur la façade atlantique. Comment est-il arrivé? Où en est-on? Et là aussi, que faire quand on se retrouve avec ces vers plats partout dans son jardin, Jean-Louis Justine? Alors, le vers plat, c'est pas la meilleure manière d'en parler, puisque, en fait, on n'a pas un vers plat, on n'a pas une espèce, on a 10 espèces de vers plats, de platelminthes, qui ont envahi la France au cours, disons, à peu près des 20 dernières années. Et c'est vraiment un problème. Là, on peut vraiment parler de prolifération, puisque certaines personnes nous racontent ou nous montrent des photos où elles ont des centaines de vers dans un petit jardin. Et puis, encore plus inquiétant, c'est quand ces personnes se piquent au jeu et disent « Tiens, bah, je vais les compter et je vais essayer de les détruire. » Et donc, les gens m'envoient parfois des tableaux de chiffres où, dans un petit jardin, ils vont ramasser 50 platelminthes le matin, et puis 50 le lendemain, et puis certains ont fait ça pendant 4 mois, et il y en a toujours autant. Et là, c'est là qu'on se rend compte ce que c'est qu'une espèce envahissante qui prolifère. Et comment se fait-il? Comment on explique déjà d'où ils viennent ces platelminthes? Et comment on explique le succès reproductif et prolifératif majeur qu'ils peuvent connaître aujourd'hui en Europe? Alors, d'où ils viennent? Justement, là, c'est là que c'est... Il y a plusieurs histoires. C'est-à-dire que ces dix espèces qui sont en France viennent d'endroits totalement différents. Chaque espèce a une histoire totalement différente. Une vient d'Australie, une autre vient d'Amérique du Sud, une autre vient d'Asie du Sud-Est. Donc, chaque espèce a eu son histoire particulière. Et donc, on a 10 invasions à peu près en même temps de nos jardins en France. Et ils ont aucune fonction écologique, c'est pas comme les vers de terre, on peut pas y trouver un bénéfice quelconque. Comment est-ce qu'on fait quand ils ont colonisé un jardin pour réussir à s'en débarrasser? Alors, quand ils ont colonisé un jardin, il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser, il n'y a aucune molécule ou produit phytosanitaire autorisé sur ces bêtes parce que personne n'a cherché. Et on peut pratiquement plus s'en débarrasser. Est-ce qu'ils remplacent les vers de terre? Non, pas du tout. Les vers de terre ont un rôle très important dans le fonctionnement d'un sol, parce que les vers de terre vont être capables de creuser, d'aller chercher les sels minéraux en profondeur, d'enfouir en profondeur les déchets végétaux, etc., et de structurer le sol. Les platelminthes, ce sont des vers plats, ils sont totalement incapables de faire ça. Par contre, ce sont des prédateurs, et donc ils vont être capables de manger la faune du sol native, européenne, et on ne sait pas combien ils en mangent. On ne sait pas si une centaine de platelminthes dans un jardin va manger 100 vers de terre tous les matins, ou 500, ou 10. Ça, malheureusement, on ne le sait pas encore. Parce qu'on n'a pas d'études, comment se fait-il qu'on ne soit pas au courant? Parce que tel qu'on le lit, hein, je crois 74 départements français sont concernés par les invasions de platelminthes. Il y en a, c'est vraiment particulièrement invasif, particulièrement nocif pour la richesse des sols et pour les écosystèmes locaux. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de plan d'éradication, d'études scientifiques qui permettent non seulement de circonscrire la nuisance que constitue l'invasion des platelminthes, mais en plus de tâcher d'y trouver des solutions? Pourquoi? D'abord parce qu'on est parti avec beaucoup de retard. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces platelminthes en France métropolitaine en 2013, et tout à fait par hasard, parce qu'un amateur a trouvé un ver dans son jardin et que la photo m'est parvenue. Et là, je me suis aperçu en quelques semaines que toute la France était envahie par plusieurs espèces. Et très curieusement, aucun scientifique en France ne s'était intéressé à ça. Donc, on est déjà parti avec énormément de retard. Personne n'avait rien publié sur les platelmintes invasifs en France, alors qu'il y en avait déjà partout. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont, ce qu'ils mangent, etc. ? Parce que ça demande des études d'écologie très compliquées. Et puis, on est, comme je le disais, on est parti avec beaucoup de retard. Dans un premier temps, on ne savait même pas le nom de ces animaux qui étaient en France et qui étaient partout. Ces animaux n'avaient pas été nommés par les scientifiques. Et déjà, ça commence mal, parce que si vous voulez présenter un programme de recherche à un gouvernement ou des choses comme ça, il faut au minimum un nom, sinon vous n'êtes pas pris au sérieux. Elsa Bounou, une réaction à cette invasion des platelmintes, et puis on parlera de votre spécialité qui concerne plus les écosystèmes insulaires. Oui, bah, je connais très peu les platelmintes, mais c'est vrai que ça ressemble à vraiment tout ce qu'on connaît sur les espèces envahissantes, c'est-à-dire qu'au départ, on a du mal à les détecter, et une fois qu'elles sont là et qu'elles ont proliféré, c'est très très compliqué de les gérer, et donc on est un peu obligé de faire avec, et souvent faire avec, ça implique énormément de pertes, souvent, hein, et de modifications, notamment au niveau de la chaîne trophique, là, comme l'a expliqué Jean-Louis Justine. Ce ver plat, il consomme énormément de vertébrés, et donc ensuite, quelles vont être les réactions en chaîne qui sont derrière, souvent, on le découvre, mais que trop tard. Alors, parlons un peu justement des écosystèmes insulaires, Elsa Bounou. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire que ce sont à la fois des écosystèmes beaucoup plus fragiles, avec des espèces endémiques, donc des espèces rares qui peuvent être beaucoup plus facilement victimes d'espèces invasives prédatrices, mais en même temps ce sont des endroits circonscrits, protégés, ce sont des endroits où on peut plus facilement intervenir. Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, ce sont des systèmes qui sont très vulnérables parce que souvent, il n'y a pas eu de prédateurs. Donc, quand on introduit notamment des prédateurs, il n'y a pas eu de coévolution. Et donc, les proies qui sont face à ces prédateurs, elles sont souvent ce qu'on appelle naïves. Elles n'ont pas de comportement de défense ou de fuite. Et donc, quand on introduit des prédateurs dans ces milieux naturels, notamment, on en a discuté, des chats, des rats ou des mangoustes, ils font des désastres assez importants parce que ils se servent très facilement dans cet écosystème. Et pour ce qui est de la gestion dans ces îles, dans ces systèmes insulaires, c'est relativement, tout est relatif, mais c'est relativement facile quand les îles ne sont pas habitées, parce qu'effectivement, c'est des systèmes qui sont circonscrits et on peut faire quelque chose. Il y a des moyens de lutte différents maintenant, mais qu'on a éprouvé et on sait ce qui marche mieux ou ce qui marche moins bien. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand, bien sûr, c'est des îles plus grandes et surtout quand ce sont des îles qui sont habitées. Il y a eu des exemples, je crois, malgré tout, de lutte et de retrait de certaines espèces invasives sur des îles et sur des petites îles non habitées, Elsa Bounou. Oui, il y en a eu pas mal. Il y en a eu en mer Méditerranée, il y en a eu pas mal aussi en Polynésie ou sur les petits îlots de Nouvelle-Calédonie. Mais souvent, on commence par les petits îlots. Et donc, on enlève essentiellement les chats, les rats, éventuellement des mangoustes, s'il y a des mangoustes dans ces petits îlots. Et donc, on arrive à voir tout de suite comment l'écosystème arrive à retrouver un peu, alors pas son état initial, parce qu'il n'y a jamais vraiment d'état initial, mais typiquement au niveau de la prédation, quand on enlève cette prédation, les oiseaux marins qui sont très vulnérables à cette prédation, tout de suite... dans un délai raisonnable, reviennent nicher, recommencent à dynamiser leur population. Et donc, on peut voir un effet assez direct quand on enlève ces prédateurs des milieux insulaires. On parle beaucoup de l'introduction, et c'est le E de exotique, de la main de l'homme. Mais il faut comprendre aujourd'hui que les dérèglements climatiques, Jean-Louis Justine, on pense aux ouragans, aux tempêtes notamment, enfin aux inondations, sont des grands vecteurs aussi de transfert d'espèces d'un lieu à l'autre et du coup de colonisation de certains lieux protégés par des espèces qui n'y étaient pas jusqu'à présent. Oui, les ouragans comme vecteur, ça me paraît plutôt anecdotique. Quand on parle de problèmes climatiques, c'est que si une partie de l'Europe devient de plus en plus chaude, on a une plus grosse probabilité de voir arriver en Europe des espèces de régions chaudes, de régions exotiques chaudes, tropicales. Et malheureusement, par exemple, certains moustiques qui transmettent des maladies viennent de ces régions chaudes. Et donc, on peut penser que plus la France sera chaude et plus on aura de moustiques venant des régions tropicales qui sont malheureusement les moustiques qui transmettent des maladies. Et je précise qu'on consacrera d'ici quelques semaines une émission à la dengue. Un mot justement, Elsa Bonneau, sur ce lien entre dérèglement climatique et multiplication des colonisations d'espèces invasives. Ben, vous avez dit que on parlait d'espèces introduites ou envahissantes quand c'est de la main de l'homme, mais pour moi, le changement et le dérèglement climatique, c'est aussi du fait des activités humaines, hein, principalement. Donc, de toute façon, l'humain est forcément intégré là-dedans, et c'est du fait de ces dérèglements climatiques qu'effectivement, on peut avoir il peut y avoir des synergies avec les espèces envahissantes. Alors, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais parce qu'il y a des espèces envahissantes qui vont pouvoir être limitées dans leur aire de répartition par justement ces changements climatiques, des espèces qui sont moins adaptées par exemple à l'augmentation des températures ou l'augmentation de la pluviométrie. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cas où on observe une synergie, où le fait que ces dérèglements climatiques-là permettent un plus grand envahissement de ces espèces envahissantes. Est-ce qu'il y a des moyens légaux on peut penser que ce soit au niveau de l'État, de la législation, de la loi, ou peut-être juste au niveau des citoyennes et des citoyens, des choses que l'on peut faire pour éviter de contribuer à cette propagation et de ces espèces invasives, pour conclure en un mot, Elsa Bonneau? Oui, j'aimerais bien évoquer ce qui est fait dans les Outre-mer là actuellement. C'est qu'en fait, ils font des listes, ce qu'on appelle des listes positives ou des listes blanches. C'est-à-dire que dans ces listes d'espèces, on autorise uniquement l'importation sur le territoire, donc en Guadeloupe, en Martinique par exemple, uniquement des espèces qui sont déjà présentes dans l'écosystème. Donc ça a un double effet, ça a un effet de dire que c'est celles-là qui peuvent être introduites, déplacées dans l'écosystème parce qu'elles sont initialement présentes. Et en plus, ça tourne le fait avec un aperçu positif pour la population, pour dire on vous interdit pas d'avoir ces espèces-là puisqu'elles sont natives, qu'elles sont adaptées à l'écosystème, et donc finalement, celles-là, vous pouvez les avoir. Alors que quand on parle d'espèces exotiques envahissantes, souvent, c'est un aspect négatif. Et donc, on voit de façon négative ces espèces. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ces espèces exotiques envahissantes. Merci Jean-Loup Justine, merci Elsa Bonneau. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Natacha Triou, Alexandre Morales, Céline Lezen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbeau, François Malordi, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Leu à la technique. Un coup d'œil sur ce que nous vous avons préparé pour cette première semaine de l'année. Demain, nous parlerons des systèmes exoplanétaires. Une fois qu'on les a identifiés, comment les explorer, comment en savoir plus sur ces exoplanètes. Mercredi, ce sera notre émission spéciale Covid consacrée aux variants et aux mutations, et notamment aux variants britanniques. Jeudi, nous lançons une grande série d'émissions qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison sur Albert Einstein. Premier chapitre, ce sera la relativité restreinte. Et vendredi, tour de table de l'actualité scientifique et des grands événements scientifiques et de la recherche qui nous attendent en 2021. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.